Leçon 25, 25e leçon. Le lendemain. Première partie. Marie-Claire pense à sa journée d'hier. Oh là là, je suis épuisée. Luc Houbet et moi sommes allés dans une boîte de nuit. Et nous sommes rentrés à 5h du matin. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons bu. Lorsque nous avons décidé d'aller dans une boîte de nuit, nous avons téléphoné à Guy pour lui dire de venir nous rejoindre. Mais il était déjà parti. Comme par hasard, il avait quitté le bureau plus tôt que d'habitude. Il ne nous a pas manqué. Parce qu'il a la détestable manie de parler politique et de parler affaires.